Antena Web apresenta Rituais Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas do domingo para a segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituais Metalon Infernalion. Na Antena Web. Néctar Solar. The needling eye of the holy king, the poison in the forge, the nailing the coffin of the crusade. I am the Lord. Hey! Je n'ai plein d'ignorance. Ne cache pas ta vie pour leur idée de patrie. Jeune déserteur, sans reproche et sans peur, leur armée te dégoûte. Tu choisis ta propre route. Chef spirituel, nostalgie Che Guevara, continuons le combat. Soldat, soldat, parti en Algérie, tu as rejoint le FLN. Ta femme est algérienne, le soldat de France, au lieu de faire la guerre, partage la souffrance d'une action humanitaire. Le soldat dino, au tonnerre des canons, à ces balles qui te traquent, sous les drapeaux qui claquent. Jeune réfractaire au service militaire, je refuse toutes les guerres, le suicide de la terre. Le soldat drogué, bourré de médicaments, tu aimes te saouler pour oublier le sang. Le soldat, soldat, t'es rempli d'illusions. Relève-toi et chante cette hymne à l'insoumission. Rompons les rangs, où est ton syndicat? Rompons les rangs, réveille-toi soldat. Rompons les rangs, où sont les centurions? Rompons les rangs, je n'ai sans objection. Rompons les rangs, où est ton comité? Rompons les rangs, où est ta liberté? Sending God. Nectar Zulu.